Un soir du mois de février, qu'il faisait bien froid, comme nous étions tous autour du feu, nous entendîmes frapper à la porte de la rue. Perrine prend sa lanterne, descend, ouvre. Un jeune homme entre avec elle, monte, se présente d'un air aisé et fait à monsieur le maître un compliment court et bien tourné, se donnant pour un musicien français que le mauvais état de ses finances forçait de vicarier pour passer son chemin. À ce mot de musicien français, le cœur tressaillit au bon le maître. Il aimait passionnément son pays et son art. Il accueillit les jeunes passagers, lui offrit le gîte, dont il paraissait avoir grand besoin, et qu'il accepta sans beaucoup de façon. Je l'examinai, tandis qu'il se chauffait et qu'il jasait en attendant le souper. Il était court de stature, mais large de carrure. Il avait je ne sais quoi de contrefait dans sa taille, sans aucune difformité particulière. C'était pour ainsi dire un bossu, à épaules plates, mais je crois qu'il boitait un peu. Il avait un habit noir, plutôt usé que vieux, et qui tombait par pièces. Une chemise très fine et très sale. De belles manchettes défilées. Des guêtres, dans chacune desquelles il aurait mis ses deux jambes. Et pour se garantir de la neige, un petit chapeau à porter sous le bras. Dans ce comique équipage, il y avait pourtant quelque chose de noble que son maintien ne démentait pas. Sa physionomie avait de la finesse et de l'agrément. Il parlait facilement et bien, mais très peu modestement. Tout marquait en lui un jeune débauché qui avait eu de l'éducation et qui n'allait pas gueusant comme un gueux, mais comme un fou. Il nous dit qu'il s'appelait Venture de Villeneuve, qu'il venait de Paris, qu'il s'était égaré dans sa route. Et oubliant un peu son rôle de musicien, il ajouta qu'il allait à Grenoble voir un parent qu'il avait dans le Parlement.